se sont rencontrés dans le ciel il y a quelques années. On peut pas s'empêcher la voix d'arriver, la vibration changée, mais par-dessus tout. Il faudra changer pour rester collé, pilé sur les pieds du dragon pressé, empêché de voir la vérité, finira un jour pour être dévoilé. Mais pourquoi s'en faire au lieu de continuer, rester dans les rangs pour évoluer, empêcher de sortir la vérité, ça va s'en mêler ensemble. Dans le ciel, ils se sont rencontrés. Les sourires, depuis comme les années, pour se faire, pour filer dans les terres. Sur la terre, caché sur la mer. Il faut la changer pour rester collé, pilé sur les pieds du dragon pressé, empêché de voir la vérité, finira un jour pour être dévoilé. Mais pourquoi s'en faire au lieu de continuer, rester dans les rangs pour évoluer, empêcher de sortir la vérité, ça va s'en mêler ensemble. Sur une autre fréquence, les plans dansent et ils chantent notre retour. Il faudra changer pour rester collé, pilé sur les pieds du dragon percé, empêché de voir la vérité, finira un jour pour être dévoilé. Mais pourquoi s'en faire au lieu de continuer, rester dans les rangs pour évoluer, empêché de sortir la vérité, ça va s'en mêler ensemble. Il faudra changer pour rester collé, pilé sur les pieds du dragon percé, empêché de voir la vérité, finira un jour pour être dévoilé. Mais pourquoi s'en faire au lieu de continuer, rester dans les rangs pour évoluer, empêché de sortir la vérité, ça va s'en mêler ensemble.